La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831, poste 27. C'était la première édition, au moins sous les ordres de Jean-Philippe Caron-Tremblay, du Précamp des Jeannois d'Allemagne au niveau collégial. Et on suit Allemagne parce qu'il y a des joueurs du coin quand même qui ont participé à ce Précamp. On va parler avec l'instructeur-chef Jean-Philippe Caron-Tremblay, qui est à sa première année. Salut Jean-Philippe! Oui, ça va bien Jean-Philippe. Comment tu as géré ça la première année, là? Est-ce que ça a été... première fois qu'organiser un pré-camp? Ben, à vrai dire, c'est sûr que c'est pas le premier pré-camp que, oui, en tant qu'entraîneur-chef. Ouais. J'en ai vu plusieurs, donc je te dirais que ça a plutôt très bien été, là. On est très content de ça, de ce qui s'est passé, puis du niveau d'intensité aussi qu'il y a eu au pré-camp, là. C'était très, très bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, premièrement, c'est sûr que le vendredi, c'était plus les tests physiques. Donc, okay. On a regardé un petit peu les qualités athlétiques, les qualités au niveau de la force aussi physique. Donc, c'est sûr qu'on met beaucoup d'emphase là-dessus. Donc, ça a quand même paru, là, d'être physique. Il y a plusieurs personnes qui ont bien scoré. Ensuite de ça, le samedi, c'était deux pratiques dans la même journée. Donc, on a fait de la passe le matin, puis plus au niveau du sol l'après-midi. Puis ensuite de ça, le dimanche, c'était vraiment la situation de match, là. 1 heure et demie de scrimmage, là, vraiment 12 contre 12. Donc, une bonne fin de semaine, là, assez intensive. Là. OK, il y avait combien de joueurs? Ben, il y a eu plus ou moins 35 joueurs, là, je trouve. OK. OK. Donc, et ça, ton recrutement, ben là, c'est sûr que la saison est terminée, mais la saison de recrutement. Donc, pour la première année, ça veut dire qu'il va y avoir quoi, 30 joueurs? Ben, nous, on vise 35 joueurs. Là, toi, j'ai déjà encore des demandes de français. Plus les gars qui vont être là, il y a des gars qui... Donc, je pense qu'on vise 35 joueurs. Là, 35 joueurs en montant. Si 80 joueurs, on sera un petit peu déçus. Là, c'est ça. OK, OK. Dis-moi, Jean-Philippe, du côté du sérieux des gars, comment que les gars... souvent, je parlais avec la semaine passée avec l'instructeur de François Laberge du Cégep de Jonquière. Je lui demandais, les jeunes, prennent-tu ça au sérieux? Il m'a dit, oui, on prend ça au sérieux. Du côté d'Alma, comment que les joueurs sont arrivés au pré-camp avec... est-ce qu'ils ont pris ça avec beaucoup de sérieux? Oui, à vrai dire, là, c'est sûr que c'est toujours un petit peu du cas par cas. Là. Il y en a qui prennent ça un petit peu moins sérieux. Mais si je dirais en général, là, oui, les gars sont arrivés prêts. Puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de talent dans mon pré-camp. Donc ça, c'est très positif, autant au niveau offensif qu'au niveau défensif. Oui, les gars sont arrivés prêts physiquement. C'est sûr, il y a toujours quelques exceptions là, qui ont eu un petit peu plus de misère là, au niveau des tests physiques, au niveau de la performance du terrain. Mais non, c'était bien. Puis les gars sont à mission, je te dirais. Là, ils veulent performer, ils veulent avoir une grosse saison de cette année. Donc, c'est très bien pour moi. Et parle-moi des gars qui étaient là au pré-camp. C'est sûr que, regarde, je suis plus intéressé par les gens du Haut-du-Lac parce que la radio est basée au Haut-du-Lac. Donc, Dolboum, Sassini, c'est Félicien Roberval. Parle-moi des gars du pré-camp du Haut-du-Lac qui étaient là. Je sais que tu en as un, puisqu'il est parent avec moi, je le connais très bien, Mathias Boulian-Adams. Donc, c'est sûr que j'ai un parti pris, c'est normal. Parle-moi de Mathias. Tiens, bon, ben, c'est sûr que moi, je n'entends parler, mais je veux avoir le coach qui me parle. Oui, c'est sûr qu'encore une fois, là, on s'en est un petit peu parlé. Là, ouais. Mathias, c'est vraiment un buff. Pour nous, là. Je dirais que lui, il a bien performé. Là. C'est un gars qui est jeune, c'est un gars qui est bourré de potentiel, je dirais. Puis, non, on est très contents, puis il a très bien fait ça. Là. C'est sûr qu'il a rencontré, disons, Olivier Saint-Pierre, là, qui est quand même un... de ligne défensive très haut niveau, mais il a quand même été capable de bien rivaliser avec, puis on est content de ça. Là. C'est une okay. Il n'y a pas juste Mathias, c'est évidemment qui vient du coin. Non, c'est sûr. Là, dans le fond, nous, il y avait William, là, William Potvin qui était là. Lui, c'est pas sûr encore à cause de ses cours, mais il était là, puis lui il a quand même bien fait aussi. Blessure à l'épaule, mais quand même, ça a bien été. Donc, on a quelques autres gars, là, peut-être, là, qui vont être avec nous l'approcher, donc on est assez content. T'as juste deux gars de du Haut-du-Lac? À vrai dire, je crois que oui. Peut-être dans mes vétérans là, que je suis moins au courant, là, mais je crois okay. que... Comment ça va le recrutement? C'est sûr, c'est ta première année, tu as 35 gars. Moi, je me rappelle d'avoir fait plusieurs entrevues avec Mathieu Brassard. Mathieu qui me disait que bon, que c'était dur, puis que le recrutement, puis ainsi de suite. Puis à l'époque, ça jouait encore plus au football que ça, quand je faisais des entrevues avec Mathieu, que ça joue aujourd'hui. Comment ça va de ce côté-là? C'est sûr que là, 35 gars première année, mais c'est du travail de longue haleine. Est-ce que je pense que Alma a une côte à remonter, surtout quand t'as Jonquin et t'as Chicoutimi qui tire. Hein? Oui, absolument. C'est sûr que premièrement, je savais que c'était un défi. Ouais. Puis, deuxièmement, c'est sûr que je pensais pas tout changer un an non plus. Là, moi, c'est plus un plan sur 3 ans que je me donne là, vraiment pour être capable de reconstruire l'équipe et vraiment avoir une équipe là, qui peut passer au grand honneur. Malgré qu'avec le talent que j'ai rencontré, là, que j'ai vu là, à mon précamp, je pense qu'on va pouvoir surprendre. Là. Si on réussit à s'amener un petit peu de profondeur, on a tout ce qu'il faut là, pour créer des surprises et même pouvoir penser là, aux séries et puis plus. Hein. Parce que les gens noirs, on ne se contrôle pas d'histoire. Là. Il y a déjà eu des bonnes équipes à Alma. Là. Oui, je sais. J'en faisais partie. OK, t'en faisais partie. Donc là, c'est un creux de vague, mais l'organisation, ça se remonte. C'est pas inatteignable, c'est pas impossible. Là. Non, absolument pas. Si j'avais cru que c'était impossible, j'aurais pas pris le contrat. Là, vrai. OK. C'est sûr que moi, j'arrive ici, puis partout où je suis allé, j'ai gagné, puis c'est bien ce que j'ai l'intention de faire, là, de ramener un vol d'or à Alma là, d'ici quelques années. Là. Mais c'est sûr que c'est un gros projet, mais je pense qu'il y a beaucoup de talent, puis c'est là-dessus. Là. Il faut baser pas juste sur le nombre de joueurs, mais sur la qualité des joueurs et comment ils vont arriver prêts à la saison. Je pense que ça, c'est un gros point aussi. Okay. Hey, en terminant, je veux te parler, parce que je voulais parler à Nick Menachi cette semaine, mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable de le rejoindre. Mais là, tu es le premier instructeur de football que je parle du coin qui est actif. Alexandre Gagnon, Shane Gauthier, 2 en 2 ans du coin. C'est sûr qu'on a d'autres à Dalboum-Sesny, on est très fiers de ça, mais c'est pas rien que Dalboum-Sesny, c'est la région au complet, là. C'est une belle victoire pour le football régional au complet. Oui, c'est sûr, absolument. C'est que moi, je l'ai moins connu un petit peu, Alexandre, mais ouais. Tu vois, là, j'ai plusieurs amis qui ont joué avec, puis je n'ai entendu parler beaucoup, c'est un très bon athlète, là, tu vois, là, c'est un D-line là, qui est capable d'amener beaucoup de pression, qui a des belles qualités. Je sais qu'il a même fait, j'ai vu un petit peu son highlight, ces affaires-là, puis il voulait peut-être même essayer Tyden aussi. Non, je te confirme que non, là, maintenant. Je te confirme que les Stamps vont rester à sa position. OK, bon, en tout cas, ça c'est bien, mais en tout cas, ça lui donne plus une corde à son arc, comme on dit. Ouais. Et, donc, c'est une belle fierté, puis je pense que c'est une belle, comment je dirais ça, les jeunes peuvent s'associer à ça, puis penser que c'est possible d'aller plus loin, parce qu'ils continuent à travailler fort. Ben, c'est sûr, parce qu'il y en a, il y en a des joueurs de talent dans au Lac Saint-Jean, pour Saint-Lac-Saint-Jean, là, qui peuvent percer dans les Canadiennes, là. Peut-être pas dans la NFL, mais dans les Canadiennes, c'est quand même un circuit très intéressant. Il y en a, là, on a trois, David Ménard, Alexandre et Shane. Mais ça peut, mais qui dit dans quelques années, il n'y en aura pas. Parce que moi, je l'entends parler, là. C'est souvent les notes d'école qui fait que ça bloque. Oui, absolument. C'est sûr que ça prend des gars qui vont pousser à l'école, qui vont vouloir en donner. Là. Des fois, les jeunes, ils ont les potentiels, mais après un an ou deux, là, quand ils voient que ça ne fonctionne pas à l'école, ils arrêtent. Puis des fois, c'est un petit peu décevant pour ça. Mais, je pense qu'il y a des bons prospects encore dans la région. On regarde un gars comme Philippe Lavoie, là, qui est dans la Jonquière. C'est un beau potentiel, je pense. Il y a tout ce qu'il faut vraiment pour performer là, au collège, puis à l'université. Ben, quand tu es rendu à l'université, tu mets des efforts, ben, tout est possible. Effectivement. Jean-Philippe Caron-Tremblay, on va se reparler à l'automne certainement. C'est sûr que moi, j'ai un lien. Fait que, écoute, là, j'ai un parti pris. Là, fait que, excusez-moi, là, mais c'est que voulez-vous, c'est la vie. J'ai pas choisi d'avoir Mathias Bouillard-Adam parce qu'il joue au football. Là. Fait que, c'est ça, moi, t'en peux t'en parler pas beaucoup. Fait que, on s'en reparle. Ben, parfait. Mais donc, Jean-Philippe Caron-Tremblay, l'instructeur-chef des Génois d'Allemagne au football.